trouver un commencement. Enfin arrive 10 octobre. J'ai déjà imaginé. Laissez-moi vous parler. Non. Trouver un commencement. J'ai fui, je l'admets. Me voilà à quelques milliers de kilomètres de mes racines dans cet appartement d'une hauteur vertigineuse. Sous mes yeux, la ville s'agrandit. Des dizaines et des dizaines d'immeubles poussent comme des champignons les uns à côté des autres. Trois de ces grandes tours en construction seront sans doute terminées à mon retour. Je contemple cette ville, j'essaie d'imaginer au-delà mes peines à voir au travers de ces grues ce qui m'attend. N'y a-t-il pas chose plus excitante que ce vide, cet inconnu ? Premier choc culturel. Je suis sensible aux moindres détails, à la moindre odeur. Je réalise progressivement. Je suis lâché en pleine nature urbaine et m'apprête à parcourir plus de 2500 km. octobre. Direction Tangkou, près des montagnes jaunes. J'escalade Huangshan, montagne sacrée de Chine. Ce matin, la brume est si épaisse qu'elle donne l'impression de se déposer sur mon visage. Les marches interminables disparaissent dans les hauteurs et pointent l'infini. Inutile d'espérer approcher les cieux. Cette étrange pluie, irrégulière, vient tout simplement de l'humidité accumulée sur les arbres quittant leur feuillage. L'air se fait plus sec en altitude. Les sommets des montagnes sacrées surgissent entre deux éclaircies et de nombreux pins émergent mystérieusement des parois rocheuses. Un spectacle majestueux que je partage, hélas, avec énormément de groupes touristiques. Après la visite de deux temples au pied des montagnes, je décide de partir à nouveau. Tangkou à Tangxi. Assis sur un minuscule tabouret, je parcours en minibus les campagnes du nord-est de la Chine. La barrière de la langue est totale à mesure que l'on s'éloigne des grandes agglomérations. Je garde en moi toutes les émotions que suscitent ces images. Et j'écris ce que je ne peux contenir. 15 octobre. Je n'aurais pas dû acheter ce billet de train maintenant. J'ai décidé de rejoindre Yingtan, point de départ vers les principales villes du sud de la Chine. 16h32. Je n'ai presque plus un sou en poche. Il me faut impérativement trouver une banque. Pas de panique. Je prends un tuk-tuk en direction du centre-ville. Ça y est, j'aperçois une banque. Le guichet ne fonctionne pas. Ça se complique sérieusement. Une femme décide de m'aider. Il est 16h15. Un débat est lancé entre elle et le propriétaire du tuk-tuk. D'après elle, j'ai le temps d'atteindre la grande banque, puis la gare en taxi. Je tente le coup et négocie avec le peu qui m'en reste. Je retire de l'argent, reprends un taxi, monte dans le train. Il ne faudra pas plus de 15 secondes avant que le train ne démarre. Je souffle, fin du climax de cette journée. Me voilà bien engagé dans mon voyage et me dirige vers le sud au milieu de tous ces gens qui parcourent des centaines de kilomètres pour travailler. Il semble n'y avoir aucune limite aux places vendues. Là où trois personnes pourraient s'asseoir confortablement, ils sont cinq à se serrer, puis cinq à se faire face. Sans oublier ceux qui dorment sous leurs pieds ou entre leurs chevilles nues. Leur sommeil est sans cesse perturbé par les services de nourriture. C'est toute la rangée du couloir qui se lève, obligé de flirter avec la nuque des passagers, montant sur le dossier des sièges du train. Je trouve mes forces dans l'invraisemblance de cette scène et grâce aux larges sourires qui me sont adressés. Je pousse quelques coquilles d'œufs sur la table devant moi, sur laquelle je repose mon front. Encore 16 heures à passer dans ce train. 17 octobre. Je découvre Guilin, la beauté de ses parcs et des karsts à l'horizon. Tout à côté, Yongshuo est peut-être le plus bel endroit de Chine. Ce qui m'est donné à voir dépasse toutes les images que je m'étais faites avant de partir. Je me perds. Plus aucun touriste. Des hommes me saluent. Ils battent et détachent les grains de leurs tiges. J'observe la récolte et la vie simple des cultivateurs. Une traversée en bateau sur la rivière Li m'offre plus que ce que je pouvais souhaiter à cet instant. Un soleil couchant au milieu de ces karsts se superposant à perte de vue. Après quelques jours passés dans les environs de Guilin, je me décide à un court passage au Vietnam. 21 octobre. Il m'est difficile d'éviter la célèbre Medalong, cet endroit de rêve dont tout le monde vante la beauté. Je suis arrivé trop tard. Des centaines de milliers de personnes sont passées avant moi et le marché touristique est en saturation. Le rejet quotidien à la mer de déchets provenant des bateaux ne parvient pas à gâcher la vue sur ces magnifiques pains de sucre. 22 octobre. Je fuis la circulation pressante d'Hanoï pour les rues étroites de Wenkem, dont elle porte le nom des différents métiers d'autrefois. Le plaisir des sens est perceptible. Les parfums se succèdent, les Hanoïens sortent leur table et dînent dehors. Ce n'est pas un malheur d'être méconnu des hommes, mais c'est un malheur de les méconnaître. Voilà une pensée avec laquelle je me sentais en accord. Le temple de la littérature abrite une des plus vieilles universités nationales et enseignait les valeurs de Confucius. Je traverse le quartier de Badin, le mausolée d'Oshiming dont l'architecture a été établie dans la plus pure tradition léniniste. Le musée de loin le plus intéressant est celui de l'ethnographie à 10 km du centre d'Hanoï. Maintenant, j'en sais davantage sur les différentes ethnies du Vietnam et leurs traditions. 24 octobre, Sapa. Paysages montagneux, cultures en terrasse. Je me promène dans les allées d'un marché couvert. Cette ville est un lieu d'échange stratégique de produits agricoles et artisanaux des diverses minorités, des Dao ou encore des Hmong noirs. Je m'abandonne aux traditions de la minorité principale de Sapa, convertie au christianisme. Octobre. Retour dans l'Empire du Milieu. Je retrouve ces paysages montagneux dans le Yunnan, où des terrasses encore plus vastes dessinent d'incroyables arabesques. 130 jours de brouillard dans l'année, ce qui vaut à cette province le nom de pays sous les nuages du sud. Un passage par Chéline dévoile une impressionnante forêt de pierres. Une terre ocre, une végétation peu abondante, où quelques bambous apparaissent parfois. J'ai pu visiter Kunming, capitale du Yunnan, son quartier musulman, ses temples. Elle concentre en un lieu le mélange culturel des quelques 26 minorités de la région. Après un déjeuner solitaire, ce n'est qu'un détail, mais j'assiste enfin à une vraie partie de Mahjong. Allô. 31 octobre. Nouvelle aurore, nouvelle destination, Dali. Les remparts et les pagodes qui parsèment la ville font renaître le passé de cette lointaine Chine. Je rejoins les villages sur les rives du lac Erai, en passant par les rizières et des vastes champs de légumes. Je suis sous le charme de ces petites maisons traditionnelles de Xizu et de ces femmes aux habits très colorés. Une foule importante semble avancer dans ma direction. Des hommes, tout d'abord, rient et répandent leur joie. Ce n'est qu'en apercevant toutes ces femmes recouvertes de draps blancs, pleurant et expiant leur douleur, que je comprends qu'il s'agit d'un enterrement. Je sillonne les environs. Beaucoup d'enfants me disent bonjour. J'ai l'occasion de guider jusqu'à ses semblables un cochon des plus têtus. Plus tard, j'entends quelques cris et me rapproche de cet attroupement festif. De jeunes mariés sont sur le point de quitter leurs invités. Je suis évidemment subjugué devant les vieux édifices et la découverte de petites perles culinaires, mais ce sont ces scènes de vie qui me touchent le plus. J'absorbe leur culture, leur visage me fascine. De novembre. Lijiang est une ville étourdissante par ses maisons très anciennes, ses canaux, ses chants et ses danses. La scène attend ses musiciens. le parc de l'étang du Dragon Noir donnerait à n'importe quel peintre l'envie de porter sur sa toile un tel cadre naturel. Je reste longtemps à écouter un spectacle de musique nazi, tout près de cette pagode sur l'eau, les yeux rivés sur les sommets enneigés. Plus tard, j'observe trois habitués de ce parc appliqués à ce jeu qui m'est si étranger et qui suscite la concentration d'un homme au physique de sage. Dans la vieille ville, de nombreux restaurants. Je suis intrigué. Partout on chante. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous le talent pour attirer la clientèle. Une autre voix m'interpelle, plus douce cette fois. Je me promène dans ces allées illuminées de ces lanternes rouges typiques. De nouveau dans un bar, on s'amuse à chanter. Novembre, Panziwa. Cette fois-ci, le train me rapproche sérieusement de mon point de départ. Les environs, riches en minerais, possèdent les usines les plus gigantesques que j'ai vues. Un jour et 5 heures, c'est ce qu'il me reste pour connaître un peu mieux ce jeune couple chinois. Ça se confirme. Mao est encore très respecté par la jeune génération, à moins que le regard de méfiance autour d'eux ne trahisse l'obligation d'un certain respect envers l'histoire passée. Ils connaissent en tout cas très bien la France et laissent dans mon sommeil quelques cadeaux. 6 novembre. Xi'an. J'ai aimé cette ville dès les premiers instants, à la vue de ses remparts. Je visite ce que certains appellent la 8e merveille du monde, le musée des guerriers terracotta, tombeau démesuré de l'empereur Qin Shi Huangdi, enseveli avec plus de 6000 soldats en terre cuite. Je survole un peu la source d'eau chaude de Huangqing et me précipite vers les nommés Drone Tower et Bell Tower, impressionnants vestiges de l'ère Ming. Ces tours donnaient une indication temporelle, mais servaient aussi d'alarme en cas d'approche de l'ennemi. Elles résonnent en moi comme un avant-goût de nostalgie, annonçant la fin de mon périple. 10 novembre, Shanghai. Me revoilà accoudé à cette même fenêtre avec vue sur le pays. Je relis mes souvenirs. Sans ces traces sur ce carnet, aucune image, aucun son de mon voyage n'aurait pu me revenir avec autant de portée. J'ai enfermé dans l'écriture le mélange de ma pensée avec l'instant même où j'ai vu, senti ou entendu. J'en apprends un peu plus sur moi. J'ai peut-être trouvé une raison simple à ma venue. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents, disait-il. J'ai ouvert mes sens.